Chapitre 15. Au bas de l'échelle, les matelots se remirent sur pied au milieu d'un concert de grognements et de malédictions. « Faut commencer par rallumer la lampe ! Bon Dieu, mon pouce est démis !» cria Partson, un matelot au teint hâlé, qui était de caractère renfrogné et servait d'homme de part au canot de Standish. « Je l'ai sous le pied !» répondit Leach, en s'asseyant sur le rebord de la couchette où j'étais dissimulé. J'entendis qu'on tâtonnait, puis le bruit d'une allumette qu'on frottait, et la lampe s'alluma d'une flamme faible et fumeuse. À sa lueur lugubre, les hommes qui étaient pieds nus et jambes nues se mirent à s'agiter, examinant et soignant leurs blessures. Ofti-Ofti s'empara du pouce de Parson et tira dessus fortement pour remettre les os en place. Durant cette opération, je remarquai que toutes les jointures des doigts du canaque étaient à vif. Il les exhibait orgueilleusement en ricanant de ses superbes dents blanches. Et il expliquait que ses blessures lui provenaient de ce qu'il avait frappé de toutes ses forces, Lou Larsen, à la mâchoire. « Ce n'était pas Lou Larsen que tu frappais, sale moricaud. C'était moi, imbécile !» beugla Kelly, un Irlandais immigré en Amérique, ancien matelot du cabotage, qui effectuait sa première campagne en pleine mer et était rameur sur le canot de Kerfoot. Tout en parlant, il cracha un caillot de sang et plusieurs dents, et avança une face agressive vers celle d'Ofti-Ofti. Le canac bondit sur sa couchette et en tira un long couteau qu'il brandit. Leach, qui malgré sa jeunesse avait plus de présence d'esprit et de sang-froid que tous les buteurs du poste d'avant, intervint. « Voyons, Kelly, tiens-toi tranquille. Ofti-Ofti ne l'a pas fait exprès. Comment aurait-il pu reconnaître que c'était toi dans le noir ?» Kelly obéit en ronchonnant, et le canac remercia Leach d'un sourire de ses dents blanches. L'Irlandais était un joli garçon aux traits fins, presque féminin, avec de grands yeux doux et rêveurs, ce qui semblait en contradiction avec sa réputation bien méritée de bagarreur. Comme Leach, Johnson était assis au bord de sa couchette. « Je me demande comment il a pu s'en tirer, » dit-il. Toute son attitude indiquait le dernier degré de l'abattement et du désespoir. Sa poitrine oppressée se soulevait encore des suites de l'effort surhumain qu'il avait fourni. Au cours de la lutte, sa chemise avait été complètement arrachée. D'une déchirure qu'il avait à la joue, le sang coulait sur sa poitrine nue et dégouttait sur le parquet. « Il s'est échappé parce qu'il est le diable en personne !» répondit Leach, les yeux remplis de larmes, de désappointement et de rage. « Et pas un de vous, » répétait-il à satiété, « qui était fichu de me passer un couteau. » Mais les autres matelots bavardaient entre eux. Ils étaient très inquiets des conséquences de cette agression manquée et ne prêtaient aucune attention à ce qu'ils disaient. « Ce qui est certain, » déclara Kelly, « c'est que le capitaine est incapable de savoir ceux qui ont pris part à la bagarre et ceux qui se sont abstenus. À moins que... » Il promena autour de lui un regard menaçant. « À moins qu'un mouchard ne vende la mèche. »« Pas la peine !» clama Parson. « Le capitaine n'aura qu'à nous regarder. Les blessés seront les coupables. » En réalité, Louis, resté dans sa couchette, riait sous cap. Il était le seul qui n'avait aucune meurtrissure ni blessure. « On pourrait dire, » proposa un des matelots, « qu'on n'a pas reconnu le capitaine, qu'on pensait avoir affaire au second. »« Moi, » déclara un autre, « je dirais que je dormais et que j'ai été réveillé en sursaut par le bruit. Alors j'ai sauté de ma couchette. J'ai récolté un sale nion sur la mâchoire et je suis revenu me fourrer dans mes toiles. Il faisait nuit et je n'ai rien su, rien vu. Si j'ai cogné, c'était au petit bonheur, et pour rendre le coup que j'avais reçu. » Leach et Johnson ne prenaient pas part à la discussion quand soudain toute la bande se retourna contre eux. Ils leur reprochèrent d'avoir été les instigateurs de la bagarre et leur déclarèrent qu'ils paieraient pour tous. Le pire pour eux était inévitable. Ils s'étaient perdus sans rémission et déjà morts. Leach s'impatienta, il éclata. « Vous m'embêtez à la fin. Vous êtes tous une bande de dégonflés. Ça, pour causer, vous êtes forts. Mais si vous aviez su vous servir de vos pognes, son compte serait liquidé. Par hasard, il n'y a pas un seul qui m'ait passé le couteau que je demandais. Vous me dégoûtez. Vous êtes là à gesticuler, à chialer, comme s'il allait vous tuer tous. pas de danger, c'est un luxe qui ne peut pas se payer. Comment vous remplacerait-il? Il n'y a pas de bureau d'enrôlement dans le coin, et il a besoin de vous. Qui manœuvrerait et ferait marcher le bateau s'il se passait de vos services? Moi et Johnson, on va y avoir droit. Quant à vous, vous pouvez vous recoucher en paix. C'est moi qui vous le dis. Fermez vos gueules et laissez-moi dormir. J'en ai besoin. Ça va, ça va. Te fâche pas, répondit Parson. Mais même s'il ne nous tue pas, la vie à bord va devenir un enfer, pire que par le passé. Vous verrez un peu ce que je vous dis. Toujours blotti dans ma couchette, je tremblais de peur en songeant à ma propre situation. Qu'est-ce qui m'arriverait quand ma présence serait découverte? Je ne pourrais évidemment pas me tirer d'affaire par les mêmes moyens que Lou Larsen. À ce moment, Latimer appela par l'écoutille. « Hump, le vieux a besoin de toi !»« Il n'est pas ici !» répondit Parson. « Si, il y est !» déclarai-je en me glissant hors de ma couchette et en faisant effort pour ne pas paraître effrayé. Les matelots me regardèrent consternés. La peur était fortement marquée sur leur visage, une terreur agressive et menaçante. « Je viens !» criai-je à Latimer en m'avançant. « Non, tu n'iras pas !» hurla Kelly en s'interposant entre l'échelle et moi. « Je te ferai taire pour toujours, sale mouchard !» Et joignant le geste à la parole, il tendit vers moi sa main ouverte comme pour m'étrangler. « Laisse-le aller !» ordonna Leach. « Jamais de la vie ! Je te dis de le laisser !» répéta Leach, toujours immobile sur le bord de sa couchette. Et sa voix prenait une sonorité métallique. L'Irlandais hésitait. Je fonçai sur lui et il s'écarta. Lorsque j'eus atteint l'échelle, je me retournai pour observer le cercle de visages hargneux qui me regardait dans la pénombre. Et je songeai à la phrase de Mugridge, combien Dieu devait les haïr pour les avoir rabaissés à ce point. J'eus pitié de ces malheureux et dit très calmement, « Je n'ai rien vu, rien entendu. Soyez sans crainte. » « Je vous le disais bien que c'est un type régulier, » conclut Leach, alors que je grimpais les échelons. Dans sa cabine, je trouvai Lou Larsen qui m'attendait, dévêtu et couvert de sang. Il me gratifia d'un de ses capricieux sourires en disant « Allons, docteur, au travail. Votre science aura de quoi s'exercer souvent au cours de ce voyage. Sans vous, que serait devenu le fantôme et ceux qui le montent ?» Si j'étais homme à faire des phrases et à m'embarrasser de sentiments, je dirais que je vous en suis profondément reconnaissant. J'ouvris la boîte à pharmacie du bord, qui était rudimentaire, mis de l'eau à chauffer et préparai divers pansements pendant que Lou Larsen, entièrement nu, allait et venait. Il scrutait avec attention les blessures dont il était couvert, tout en bavardant gaiement. Jamais encore je n'avais pu contempler dans son ensemble l'anatomie de cet homme et l'artiste qui était en moi ne put s'empêcher d'admirer. Ce corps possédait une perfection de ligne, puissante et terrible, avec une pureté tout antique. Parmi les hommes du bord, beaucoup étaient aussi fortement musclés, mais tous avec une anomalie ou une disproportion physique qui détruisait chez eux l'esthétique générale. Jambes trop courtes ou trop longues par rapport au reste du corps, bras disproportionnés, ossature trop importante ou trop de muscles, qui saillaient de la chair et faisaient bosse extérieurement. Ofti-Ofti, le Kanak, était le seul dont le corps fut réellement harmonieux, mais sans aucune comparaison avec celui de Lou Larsen. Lou Larsen était l'homme type, la synthèse du mal dans toute sa magnificence. Alors qu'il marchait ou remuait les bras, je regardais ses muscles se gonfler alternativement sous sa peau fine comme du satin. Le mécanisme était en tout point parfait. C'était vraiment merveilleux. Le hâle du vent et de la mer ne lui avait bruni que la figure. Il ne dépassait pas le cou, et sur le reste du corps, la peau de ce Scandinave était laiteuse comme la peau d'une femme. Lou Larsen leva son bras droit vers sa tête pour y tâter sa blessure, et le biceps se durcit dans sa gaine blanche comme un faisceau de fil d'acier. C'était ce même biceps qui avait une fois failli m'anéantir et que j'avais vu si souvent asséner tant de coups. J'étais resté bouche bée, un rouleau de ouate antiseptique à demi déroulé dans ma main, sans pouvoir détacher mes yeux de ce corps superbe que je ne me lassais pas d'admirer. Lou Larsen s'en rendit compte. « Dieu vous a donné un corps superbe ?» dis-je. « Vous trouvez ?» répondit-il. « Souvent je l'ai pensé, et je me suis demandé pourquoi. » « Il a eu un but ?» Il m'interrompit. « Un but utilitaire. Dieu m'a donné ce corps puissant pour que j'en fasse usage. Mes muscles ont été faits pour saisir, déchirer et détruire les choses hostiles qui s'interposent entre moi et la vie. D'autres êtres vivants ont aussi des muscles dont ils se servent pour saisir, déchirer et détruire. Mais Dieu a voulu que je sois plus fort qu'eux. Vous pouvez tâter si vous voulez. » Je posai ma main sur son cou, je la fis glisser sur ses bras, le long de son dos et sur ses cuisses. Et Lou Larsen, avec orgueil, fit jouer sa musculature, tandis que ses yeux s'allumaient d'une flamme de bataille. Puis il détendit son corps redoutable, relâcha ses muscles, et sa chair boursouflée devint lisse et unie. « Équilibre et stabilité, » conclut-il, « tout est là. J'ai de bonnes jambes pour me porter, des pieds solides pour m'accrocher au sol, des bras, des mains, des ongles et des dents pour combattre quand il le faut, pour tuer et ne pas être tué. Voilà le but. » Je ne discutais pas et continuais à admirer le mécanisme de cette bête combative. Étant donné la lutte féroce soutenue par Lou Larsen et dont j'avais été témoin, je fus surpris du caractère superficiel que présentaient les blessures. Je pensais le tout et je me flattais de m'en être adroitement tiré. Le coup le plus mauvais était celui que Lou Larsen avait reçu avant d'être jeté par-dessus bord. Il lui avait ouvert le cuir chevelu sur plusieurs centimètres. Sous sa direction, je nettoyai la plaie et la recousis après en avoir rasé les bords. Le mollet aussi avait été sérieusement lacéré. On aurait dit qu'un bulldog l'avait déchiqueté d'un coup de croc. Un des matelots m'expliqua. Lou Larsen l'avait mordu au début du combat. Comme il n'avait pas lâché prise, il avait été entraîné jusqu'au faîte de l'échelle. D'un vigoureux coup de pied, Lou Larsen s'en était alors débarrassé. « Hump !» me dit-il, une fois mes pansements terminés. « Vous êtes un homme adroit. Je l'avais remarqué. Maintenant, comme vous savez, nous manquons de second. C'est vous qui prendrez sa place. Vous recevrez $75 par mois, et de l'avant à l'arrière, on ne vous appellera plus que Monsieur Van Weden. » Je protestais en soupirant que je n'entendais rien à la navigation. « Vous ferez votre éducation. » Je ne tiens pas du tout à occuper une situation élevée. Pour moi, la vie est à l'heure actuelle suffisamment précaire. La médiocrité a ses avantages. D'ailleurs, je le répète, je manque de l'expérience nécessaire. Lou Larsen se contenta de sourire sans rien répondre, comme si la chose était réglée. Je m'écriai d'une voix décidée. « Je refuse d'être second sur ce bateau d'enfer. » Je vis ses traits se durcir et la lueur impitoyable que je connaissais bien paraître dans ses prunelles. Il marcha vers la porte de la cabine et l'ouvrit en me disant. « Bonne nuit, monsieur Van Weden. Bonne nuit. »« Bonne nuit, monsieur Larsen, » répondis-je résigné. Et je me retirai.